matinale des 18h, l'émission décalée des Fat Jet. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la matinale de 18h, une matinale nouvelle formule avec une équipe jamais composée auparavant. Personne ne savait ça. Je suis James, je suis accompagné de mon fidèle acolyte Jocelyn qui est là. Salut Jocelyn. Salut James, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah ça va plutôt voilà. Bien. Voilà, donc ça c'est la partie historique de l'émission, mais on a des recrues de haut vol. De choc. D'abord Maximilien qui est là, Max. Salut. Salut Max. Ça va ? Super, ouais, il est un peu stressé, il fait son petit sourire de stressé. et un autre qui est très stressé, c'est Mehdi. Salut Mehdi. Ça va et toi ? Ça va, ouais, j'ai pas demandé si ça allait, mais d'accord, ok. Mehdi, donc t'es en stage de 3ème, c'est ça ? C'est ça. Et il va nous tout simplement nous régaler pendant toute cette heure d'émission qu'on va passer ensemble en l'absence de pas mal de monde. Hein. Beaucoup de personnes, en effet. L'infirmerie est remplie, en fait. Beaucoup d'arrêts déposés ce matin voilà, à la toilette. C'est hein. Ça, mais on est quand même là, on est quand même là avec vous. C'est le plus qui n'est pas passé, en fait. Une formule qui va peut-être. Être un petit peu différente de ce qu'on vous propose d'habitude, puisqu'il n'y aura pas de titre, voilà. Mm-hmm. On a décidé, pas de journal. Bah, invité exceptionnel, émission exceptionnelle. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, en parlant d'invités, j'avais même prévu un petit jingle pour parler de nos deux invités. Ah oui. C'est parti, puisqu'on va parler de Max et Mehdi maintenant. Pouah. Eh ben. Invité show business de 18h. Alors les invités, ouais, effectivement, Max. Alors Max, on va commencer par toi puisque t'es la personne qui est le moins en stage de tous ici. Ouais, clairement pas du tout en stage. Du coup, tu présente-toi un petit peu à nos auditeurs qui t'adorent et qui voudraient savoir un petit peu qu'est-ce que tu fais. Eh bien, je peux prendre ma voix comme ça pour dire bonjour. Ah oui. Alors, tu débordes de talent, Max. Moi, je suis improvisateur avec ces fameuses personnes-là. C'est comme ça que je les connais. Ouais. Mais sinon, dans la vie, moi, je suis designer de jeux vidéo. Voilà. D'accord. Waouh, designer de jeux vidéo. Ouais, mec, ça veut dire designer, n'est pas n'importe quoi. Wow. Ouais, mais ça veut dire que tu fais quoi ? Tu fais les dessins ou tu fais le contenu du alors, truc ? Je peux développer des jeux vidéo, donc le code, vraiment. Mais je peux faire aussi la structure, donc le design. Quand par exemple, moi je suis spécialisé dans le level design, donc c'est la structure des niveaux, comment on va jouer dans un niveau, wow. Comment c'est composé, et voilà. D'accord. Et en ce moment, t'es sur un projet ou t'es... En ce moment, je suis sur des projets perso parce que bah la galère, hein, tu connais. Ah. obligé de s'amuser tout seul. Quoi. Ouais, voilà, mais c'est du ça. Coup, tu veux peut-être lancer un appel si des gens aiment ta voix et voudraient l'appliquer dans leur équipe. Ou recherche un game designer, voilà. Peut-être. Ou recherche un game designer. Level voilà. Designer on sait qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent dans la communauté du game design nancéen. Ouais. Et on va passer maintenant à notre autre invité showbiz. c'est Mehdi qui a l'air super heureux de voir que c'est son tour de parler. C'est la partie politique de l'invité, là, c'est Mehdi. Donc Mehdi, juste, t'es en troisième, t'es pour ton stage, t'es dans quel collège ? À Paul Verlaine, à Malzéville. Paul Verlaine. Petite dédicace, gros big up. Ouais, le lycée PV, comme on dit, Paul Verlaine. Voilà. Et donc du coup tu fais ton stage à Fadjet depuis Depuis lundi là. Depuis lundi, ça fait déjà voilà. 4 jours, donc hein. T'as déjà une belle expérience de live. T'as déjà fait d'autres émissions par celle-ci Non, jamais. Donc c'est la première fois qu'on entend ta voix. Ouais. Et tu vas être content de dire à tous tes amis d'écouter, tu es passé à la radio. Et tu peux être écouté en podcast si tu souhaites. Effectivement, ouais. Tout comme vous, messieurs, dames, les auditeurs, vous pouvez écouter en podcast pour retrouver les chroniques de Mehdi qui ne sauront tarder. Et donc, c'est un super titre de livre, ça, par contre, Les Chroniques de Mehdi. Voilà, les exactement. C'est un excellent titre. Ouais. Oui, oui. Tu devrais y penser pour ton premier album, Mehdi, parce que Mehdi nous a confié que c'était un rappeur. Ah oui. C'est ça. t'es de quel style de rap un petit peu, Mehdi? Là, tu peux m'en parler un peu? Rap français. T'es rap FR? Ouais, rap français. C'est quoi tes inspirations, tes plus grosses inspirations, grosses inspi là de Meds? En vrai, tout. Hein. Tout. Toi, t'écoutes tout. T'as les oreilles. Tu profites. T'as raison. Ok, d'accord, bah, très et, bien. Et du coup, Jocelyn, on va peut-être parler un petit peu de toi aussi. T'as une actualité du moment en termes de barmaiderie. Bar mitzvah. Ouais. Bah ouais, en ce moment, on planche pas mal sur une nouvelle carte avec l'équipe. On a décidé de monter un step et de partir vraiment très loin. Donc c'est-à-dire, vous allez faire de l'exotisme ? Ouais, on va faire de l'exotisme, on va faire du jamais vu. Enfin, on essaye en tout cas. Okay, fruit de la passion, noix de coco. Fruit de la passion, noix de c'est coco. C'est quoi le cocktail du moment ? Le cocktail du moment, j'en suis pas le plus fier, mais il marche très bien. C'est du Campari, du vermouth Martini Fiero. C'est un apéritif à base de vin et d'agrumes. Du blanc d'œuf, du jus de citron. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est le cocktail du moment à 12 euros. C'est comme ça, nous, on passe nos, nos bouteilles qui traînent en stock, entre guillemets. C'est pour ça que t'en es pas fier, c'est parce que c'est un peu les fonds de tiroir. Sur celui-là, en fait, j'ai pas du tout travaillé dessus. Donc, du coup, j'en suis pas fier parce que c'est vraiment du mélange de deux ingrédients avec du blanc d'œuf. C'est un sour qui marche très bien, mais il y a rien de maison, toi, il y a rien de. C'est un peu du low cost, quoi, c'est ça. Bah, c'est pas la signature de la maison, quoi. C'est un peu du facile à faire, voilà, c'est ça. C'est ah oui, d'accord. Toi, t'es plus un technicien, quoi. T'es un technicien. Moi, je suis un techos. Ah ouais. Et c'est quoi le nom de ce cocktail? C'est Potion du moment. Potion du moment. Vraiment, le cocktail du moment, c'est celui-là. Ouais, c'est potion du moment, cocktail du moment, quoi. Voilà, exactement. J'ai vu il y a pas très longtemps dans un bar là qui préparait avec du blanc d'œuf. Ouais. Et j'étais justement surpris, quoi. J'avais jamais vu ça. Ça donne pas très envie. Enfin, et bah ça donne pas très envie. Et tu es heureusement pas le seul à le trouver, mais c'est très très bon. Gustativement, ça n'apporte rien. Mais par contre, la texture est folle parce que ça rajoute énormément de d'onctuosité. Ça veut quand même, tu les montes en neige en les shakant. Donc ça vient énormément d'air dedans, beaucoup d'onctuosité. Ça vient détendre tout le spiritueux. Si tu mets par exemple un whisky avec du blanc d'œuf, du sucre et du citron, ça vient faire un sour et ça vient donner énormément de complexité à ton cocktail. Eh mec, je pourrais t'écouter. J'ai l'impression qu'en fait, ça va être toi, la star de l'émission. On va faire. On peut en discuter pendant une heure, mais après, bon, j'arrête mon métier. Vous êtes meilleur que moi. Eh ben, écoute, merci Jocelyn, merci à tous. On va désormais écouter un peu de musique pour se remettre de toutes ces émotions gustatives et tout simplement auditives. Parce qu'on a un rappeur et un level designer. On a vraiment une belle. C'est vraiment la meilleure émission. Est-ce qu'on virerait pas tous les autres et on se garderait nous? Mais ils se sont virés eux-mêmes, j'ai l'impression. Ils se sont virés eux-mêmes, absolument. Mais on n'a pas parlé de toi, mais d'abord la musique. Voilà, un petit peu de musique. On va écouter Aiden Fire avec The Ballet Girl. Et après, on revient avec, en fait, un petit éphéméride aussi. Hein. On va garder les habitudes un petit peu. On garde les bases, j'ai l'impression. Voilà. Allez, c'est relous, Aiden Fire and The Ballet Girl. She works at a bar, but she's too young to have a drink. Paying for her mother's alcohol and colored pills. Never see her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away. Oh, now she's dancing aloud. Toes bleeding out on the floor. Oh, now she's dancing aloud. As she moves to Daggio. Eden Foyer avec The Ballet Girl. La matinale de 18h, l'émission décalée de Fadjet. L'éphéméride de 18h. Oups, pardon, oups là, qu'est-ce que bah, j'ai fait? Qu'est-ce que tu fais? Oh là là. Ça a été refait les petites... Non, c'est juste que comme je suis aux manettes de l'émission, j'en ai trouvé dans les fonds, j'ai fait vraiment le fond du coffre et j'ai trouvé des petits génériques. Des petites pépites, j'ai l'impression. Voilà, c'est bien, 18h, ouais, c'est bon, on y va. Et donc, que s'est-il passé, Jocelyn, un 8 février dans l'histoire de ce monde? Il s'est passé énormément de choses, mais avant de commencer le 8 février, il faut d'abord souhaiter la fête des Jackie, Jacqueline, Jaquette, Jacotte, Jackie avec un Y, on leur souhaite un. Mais pas les Jacques. Les Jacques, non. Non. Pas les Jacques. Jackie, Jackie, donc I-E-Y. Jackie, ce qui est marrant, c'est que Jackie, c'est un prénom qui va aux deux sexes. Qui va dans les deux, ouais. Qui va dans les deux, bon, après. Donc on leur souhaite une bonne fête. Une bonne fête. Jackie, Jacqueline, Jacotte. Et un bon tuning, oui. T'as des Jackie dans ta classe, Mehdi? Je crois pas. Ah, ils ont dû redoubler. Comment ça, tu crois pas? Tu connais pas encore ta classe? Ils ont 40 ans, certes, mais ils sont dans ta classe. Peut-être un prof. Un prof. Ah ouais, un prof qui s'appelle Jackie, en tout cas on le savait. Mais tu connais pas trop le prénom des profs en général? Non. Ah bah non. Ah ouais. Et ouais. Si, peut-être les pépés, tu sais, les profs principales. Ah ouais. Tu connais ton pipi, toi, ou pas? Le prénom de ton pipi, c'est qui? Bah, c'est Cyril Alonso. Si, donc tu connais son prénom finalement. Mais c'est un rappeur, Alonso. Non, non, non, Cyril Alonso, il est en F1. Il est en F1. Là, il tourne en ce moment, il est. C'est la version Wii. C'est une fille. C'est une femme? Ah oui, cool, Cyril, là. Avec deux LE. Oh, ouais. C'est Madame Alonso. Elle est sympa, Madame Alonso? Ouais, ça va, elle est sympa. Il a fait la Formule 1 aussi ou... Non, Madame Alonso, elle est prof d'espagnol. Ah ouais, oh. Elle est prof d'espagnol? Non, elle est prof de français. Wow. Comme quoi, est-ce que les pipi peuvent être prof de langue? Ouais. Ah ouais, t'as eu déjà? C'est rare, hein. C'est moi, rare parce que souvent t'as plusieurs options. Ah attends, t'as peut-être raison. Ce genre, moi je voyais souvent prof de maths. C'est vrai qu'il y a d'autres options, t'as raison. T'as les profs de maths. Bref, on s'éloigne un peu de l'éphéméride. On s'éloigne un petit peu de l'éphéméride. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, là on peut répondre à la première question. Qu'est-ce qui s'est passé un 8 février? En 1250, lors de la 7ème croisade de Louis IX, Louis IX est fait prisonnier. Voilà. C'est le février 1250. C'est terrible ça. C'est horrible. On pense à lui. C'est le traquenard pour lui. Il fait quoi? Il avait fait une croisade, donc il a été prisonnier à Mansoura. Ah. J'imagine qu'il a été méchant. Ouais, il a pas dû aimer les chrétiens n'ont pas dû l'aimer, enfin les anti-chrétiens n'ont pas dû l'aimer. Mm. Ah ouais, c'est pas, il avait pas composté son ticket de bus quoi. Il a pas fait Compostelle en tout cas. est-ce que vous connaissez la bataille d'Eylau en 1807? E-Y-L-A-U. Mais bien sûr, une bataille napoléonienne. Une bataille napoléonienne. Qui a gagné? C'est Napoléon qui a gagné 2-0. Mais à la dernière minute. Un coût humain très élevé. La lucarne lui a coûté très très cher en coût humain, en tout cas. Début de la guerre russo-japonaise en 1904, le 8 février 1904, début de la guerre. Il s'est passé que des belles choses. Il y a souvent des guerres qui commencent en février. Des belles guerres. Oui, il y a des belles guerres. Des belles scènes, comme ça, tir ralenti et tout, ils sont tous en slow motion et tout. Non, bien sûr, avec des vraies armes et tout. Ouais. La première retransmission d'images télévisuelles de Londres à New York par John Braid en 1928. Donc, si jamais vous étiez né, vous auriez pu voir Londres de New York. Et j'imagine. Et je n'étais pas né, malheureusement. Mmh. C'est très triste. John, c'est vraiment un prénom de mec qui pourrait faire ça, justement, dans l'histoire. John Braid en 1928. Ouais. Ça impose. Les John, c'est des inventeurs en général, c'est vrai. Mais c'est aussi américain. Ce qui est marrant, c'est que c'est de Londres à New York. Mais il s'appelle John, ça aurait été mieux de New York à Londres. John Braid, il a fait New York Londres. Ouais, mais justement, tu vois, aux États-Unis, tu sais, c'est les anglo-saxons qui ont un peu colonisé, c'est les colons. Donc en fait, c'est les prénoms anglo-saxons qui sont devenus américains. Mais en fait, excellente remarque. C'est vrai, je pense que c'est vrai. Eh oui. Naissance de personnalité, mais tu as raison, tel que l'acteur Claude Rich en 1929 et l'acteur James Dean en 1931. Claude Rich, c'est celui qui fait Panoramix dans Astérix. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. À 1929, ça serait... Ouais, il était pas tout. Mais il est vieux, non? Pardon. Il est mort. Vieux, oui. pas le 8 février, en tout cas. Moi, j'ai sa naissance. Il est né le 8 février. Il est mort, je sais pas. Peut-être la prochaine éphéméride, nous verrons. D'accord. Ça, la prochaine. James Dean, vous connaissiez James Dean? Oui, absolument, ouais. Il a fait qui? Il a fait qui? Est-ce que t'as une anecdote? Il a pas fait d'enfant, pour moi. Mais il est mort très jeune en voiture, James Dean. La fureur de vivre. La fureur de vivre. C'est la film ou c'est la façon de mourir? Non. Il est mort en voiture, la fureur de vivre. C'est pas ça, la fureur de vivre, c'est un film de James Dean? Aucune idée. Mais je cherchais votre culture, du coup vous en avez beaucoup plus. Ah d'accord, donc toi tu poses des questions, t'as pas les réponses, c'est juste pour vérifier. Non, moi je sais qu'il est né déjà. C'est toi qui as dit, oh bah l'autre il est né. Alors moi je sais qu'il est né, je sais en plus qu'il est mort. Donc c'est vrai que c'est une info de plus. Et tu sais comment il est mort en plus? En voiture, ouais. Oui. La fureur de vivre. Ouais. Jules Verne est né aussi, c'est un écrivain français célèbre pour ses romans d'aventure et de science-fiction. Il est né en 1828. Qu'est-ce qu'il a fait, Jules Verne ? Mehdi, s'il te plaît. Un livre hyper connu de Jules Verne. Et ça, Madame Alonso, elle le saurait, hein, je peux Madame te le dire. Madame Alonso, elle est sur tes côtes à l'heure actuelle. Ouais. Il a fait... Non, je sais pas. 80 jours. Un tour. Le tour du monde en 80 jours. Ouais. 20 milieux sous les mers. Ouais. 20 milieux. Oui. D'ailleurs, j'ai l'impression que Madame Alonso, elle va préférer Max à Mehdi. Attention. Prochaine stagiaire, c'est Madame Alonso. Petite anecdote, parce que je suis parti en vacances dans le Nord. Et dans c'est, le Nord... C'est-à-dire à Lille ou précisément. Comment ça s'appelle Stockholm. Islande. Oslo. Verberg, Bergplage et tout. Donc ah, c'est dans... Lille en fait. Non. Oui, mais d'accord. C'est un peu plus à l'ouest. Un peu plus à l'ouest. Et ben, il y a une ville où Jules Verne, il a vécu dans le Nord de la France. Ok, d'accord. Voilà. Et tu vois sa maison où tu peux voir sa maison et tout. Ouais, ouais. Et il y a apparemment il y a l'histoire de son bateau là qui s'était échoué. Bah, c'est une anecdote où apparemment il y a un mystère où il serait peut-être échoué sur les côtes françaises. Et qui serait encore vivant. À Skip. Ah non, bah, il serait pas encore vivant. c'est les théories du complot. Jules Verne est encore vivant. À Skip. Qu'est-ce s'est-il passé d'autre ? Une manifestation contre l'OAS et pour la paix de l'Algérie fait 8 morts et de nombreux blessés à la station de métro Charonne en 1962. Une manifestation qui a été donc du coup sanglante malheureusement. Mais heureusement, la phase de la ligne le 8 février 2024 sera en phase de dernier croissant. Ah donc, voilà, enfin des bonnes nouvelles quand même. Et on est d'accord que je les ai cherchées. Un petit peu de croissant. Aux amandes. Trempé dans le café, pourquoi pas. Aux amandes obligatoires. Pour un dicton, le petit dicton, c'est février, le plus court des mois, et de loin, le moins courtois. Waouh, il est beau celui-là. Il est. Refais-le, redis-nous. Tu veux que je le redis un petit peu Février, le plus court des mois, et de loin, le moins courtois. Ah oui, c'est parce que février est très très dur et on espère. Mais 29 jours quand même, hein, c'était. Ouais, 29 jours, ouais. On était parti sur une intonation un peu du père Fouras au début. Ouais, et finalement, ça s'est quoi. J'étais à deux doigts de répondre à la question, pas, en fait. Il se tenait prêt. Et ben, en tout cas, sur ce bon dicton, on va enchaîner avec un chanteur qui était du temps de Jules Verne, j'imagine. Charles Aznavour. Il s'appelle Elvis Presley. Tu connais Elvis Presley, Mehdi, ou pas? Ouais. Ok, ça c'est bien. Ça, il a un petit peu de culture. Quand ça compte, il a de la culture. Oui, c'est mentir. Ça, c'est important. Ouais. C'est Elvis Presley avec Burning Love. I don't know which way to go. Elvis Presley, Burning Love. La matinale de 18h. L'émission qui vous ment. L'horoscope à des 18h. Et oui, c'est le retour de l'horoscope. Il n'y a pas Jeanne aujourd'hui, mais j'ai préparé un petit horoscope avec mes pouvoirs de divination, bien évidemment. Et alors, comme on est à une semaine bientôt de la Saint-Valentin, vous n'êtes pas sans le savoir, j'ai préparé un horoscope spécial pour les célibataires. Parce que souvent, à la Saint-Valentin, en fait, on parle des gens qui sont en couple, qui sont amoureux, et on ne parle pas des célibataires. Est-ce que vous êtes vous-même en couple, messieurs ? Ou peut-être, si vous ne voulez pas le divulguer, n'hésitez pas à le dire. Moi, oui. Jocelyn est en couple, Max ? Moi, je suis célib. Il est célib et Mehdi ? Non, moi, je suis pas en couple. Ah, okay. Donc on a deux célibs. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Exactement, votre numéro de téléphone. Ça peut venir de tous les côtés, évidemment. Et on va faire ce petit. Alors, vous allez me dire vos signes astrologiques et je vais vous dire ce que j'ai prévu pour vous en termes de. Comme si vous étiez célibataire. Donc pour toi, Jocelyn, ce sera peut-être des options qui s'ouvrent à toi. Mais bon. Ok, voilà. Je suis cancer alors. T'es cancer. Alors c'est parti pour les cancers. La Lune, votre guide, entre en collision avec Mars, provoquant des marées émotionnelles hautes. Votre âme sœur pourrait être celui ou celle qui vous offre un parapluie en pleine tempête de sentiments. Conseil, évitez les rendez-vous près de l'eau, sauf si vous savez nager dans les émotions. Chance amoureuse, 4 sur 5, vague à l'âme incluse. Et vague à quoi ? Vague à l'âme. Vague à l'âme. Je connais pas le vague à l'âme. Avoir du vague à l'âme. Voilà. Je connais pas du tout, par contre, j'aurais appris un truc. Vague à l'âme, je connais incroyable. Mais oui. Et toi, Max, c'est quoi, toi ? Moi, c'est Balance. C'est mais très beau ton. T'as vu, ton, c'est mon escrologue qui a directement fait ça. Alors, Balance, ouais. Vénus s'installe confortablement sur votre canapé, vous invitant à trouver l'équilibre entre amour et liberté. Un admirateur secret pourrait se révéler, possiblement quelqu'un qui vous a aimé pour votre capacité à toujours choisir le bon filtre Instagram. Chance amoureuse, 4 sur 5, filtrez bien vos prétendants. Wow. Et ça va glisser dans mes DM. Bah voilà, 4 sur 5 aussi. Simplement, mes DM sont ouvertes, là. Et ils connaissent ton appétence pour Instagram. C'est intéressant. Hein. Notre escrologue est très très fort. Ouais, c'est scripté. C'est scripté. Voilà, et toi, Mehdi, c'est quoi ton signe ? C'est taureau. Taureau. Mehdi est un taureau. Et messieurs, dames, voici ce que notre escrologue a prévu pour lui. Jupiter flirtant avec votre zone d'amitié. Un ancien amour pourrait réapparaître sous forme de notification sur un réseau social oublié. Est-ce le moment de raviver la flamme ou de vous rappeler pourquoi vous aviez bloqué cette personne ? Aventure sentimentale garantie avec un pourcentage élevé de mèmes nostalgiques échangés. Chance amoureuse, 2 sur 5, bonus si vous vous souvenez de votre mot de passe. Bonus. Ah, ouais. T'étais sur copain d'avant, peut-être quelque chose comme ça avant ? J'ai jamais été en couple. T'as jamais été en couple ? Ouais, mais le couple n'empêche pas l'amour. Et tu sais, des fois, tu peux être en couple sans le savoir. Ah oui, il y a des gens, ils sont en couple avec toi. Tu peux avoir une toi. MST sans le savoir également. Ça, c'est chaud. Mais il y a des gens qui se voient en couple avec toi. Donc du coup, en fait, ils sont là en mode « Ouais, on est sortis ensemble, tu te souviens pas et tout. » Tu te dis « Non, je sais pas quitter. » Attends, c'est très spécifique ça. C'est quelque chose qui t'est arrivé ou quoi ? Moi, j'ai déjà été en couple avec Avril Lavigne. J'avais des posters d'elle dans ma chambre, elle le sait pas. Elle a jamais répondu à mes questions. Ah oui, dans ce sens-là. Ouais. Mais Mehdi, est-ce que tu crois qu'objectivement, je veux que tu sois franc avec moi, est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui ont des posters de toi dans leur chambre actuellement ? À part James. Je pense toute ma classe. Toute ta classe ? Ah bah voilà. C'est pour ça que toi, t'avais du mal à te rappeler de qui était dans ta classe. Et là, ces gens-là, Jackie Jacotte, là, je sais plus. Même Madame Alonso, elle a un poster. C'est en avec un. On va juste faire les Capricornes parce que c'est mon signe à moi. Bien sûr, on parle jamais de toi. Et je sais qu'il y a des Capricornes qui nous écoutent. Quasiment que des Capricornes qui nous écoutent. Alors, Saturne, votre guide, vous conseille de construire des relations solides, mais vous pourriez vous retrouver à construire un mur de Lego à la place. L'amour viendra quand vous le moins attendez, d'accord ? Probablement en trébuchant dessus en cherchant la dernière pièce. Chance amoureuse 2 sur 5, sauf si vous trouvez quelqu'un qui aime autant les Lego que vous. Alors, il faut savoir que je déteste ça, moi, Lego. Ah. Ça m'insupporte totalement. C'est trop bien, les Lego. Je fais partie de ceux qui ont manifesté contre l'ouverture du store de Lego à Nancy. Il y a eu une manifestation entre eux. J'étais tout seul. Ils jetaient des Duplos. Attends, si t'étais tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a personne sur le secteur nancéen qui te correspond. Ah bah voilà, oui, c'est ça. Ah, oui. Donc le bonus. Ah ouais, dommage. Ah, ouais, ouais. Donc moi je suis. Par contre, il y a Yoda à un moment donné, il a lâché une punchline dans ton horoscope. Et... Oui, c'est ça. Ouais. Oui, il y a eu une inversion de. Ouais, je sais pas. C'est peut-être que notre escrologue est Yoda. Voilà. Oh, la révélation. Moi, je pense en fait, il faut retourner le mot Lego, gauler, et après. C'est... Voilà, vous faites ce que vous l'avez avec cette info. Parce que vous l'avez peut-être avec cette le mot de passe de Yoda. Ouais, c'est ça. Ton mot de passe, son copain d'avant. Et écoutez, on verra. On va enchaîner cette émission, puisqu'après tout, cette séquence était mémorable. On va enchaîner avec un titre qui nous a été. Et là, je le révèle, parce que, après tout, j'ai pas endossé cette responsabilité. C'est Mehdi qui nous a choisi ce petit titre de Gradure featuring Huss. Huss l'enfoiré, qui ne fait pas partie de la troupe Les Enfoirés, j'ai appris récemment. ça s'appelle. Ça s'appelle Ne reviens pas. Et ensuite, on revient après avec un petit quiz actu de Derrière les fagots. Oh, bien trouvé. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Mais ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Toute la nuit, éclate tout ton ardoise. J'ai mis 30 bouteilles sur la table. Donc forcément, elle me donne son snap. Que des moulas dans le cas. Je vais finir bourré. Tu t'es vu avec moi, mais c'était qu'un rêve. Tellement de folle, tellement d'oseille. Depuis que je célèbre, la boîte ne m'appartient pas. Si je veux, je l'achète. Faut que tu coopères. Si tu veux pas, va prendre ton Uber. Tu me reconnais, je les connais, ils me connaissent les Gaulois. Les bouteilles de collal, violent comme Conan, Myriam ou Morgan. Je l'ai chargé en mégane, je repars en bécane. J'ai pris la russe et j'ai viré la gitane. Jamais en pagane, toujours en bénéf. Deux heures après, on retourne la capitale. Bébé, s'te plaît, reviens pas. De façon, j'ai déjà benda. Ça y est, tu reconnois. C'est le Che Guevara, la moula. La roula, les oula. Bébé, non, ne les écoute pas. J'ai baisé, je suis coupable. Introuvable comme Sosa. Gradure avec Huss l'enfoiré, ne revient pas. La matinale de 18h, l'émission qui est bien. Bien. Les grosses fesses. C'est notre quiz actu, effectivement. Vous avez entendu le nom de cette émission. Et on va se poser un peu des questions sur ce qui... Oula. Un petit peu de... Ça part en vrille, cette flûte. Je vais vous poser des questions sur l'actualité, des petites questions un peu insolites, voilà, sorties de mon répertoire d'infos insolites. Et je vais commencer avec une question qui nous envoie directement aux États-Unis. Mehdi, connais-tu Donald Trump? Ouais. Voilà, très bien, tu le connais. Alors, à quelle personnalité, c'est une question pour tout le monde, hein, pas spécialement pour Mehdi, à quelle personnalité s'est comparé physiquement Donald Trump ? Physiquement ? Physiquement. Ouais, j'avais entendu parler de ce truc-là. C'est genre, je crois que c'est un acteur, un mec genre hyper beau gosse. C'est quelqu'un qui est réputé pour être beau. Moi, je le trouve pas très très beau, mais enfin bon. Ouais. Il est dans l'imaginaire de l'acteur beau gosse, quoi. Oui. Ok. Ouais. C'est pas un acteur au passage. C'est pas un acteur. Ah, ok. C'est un acteur. C'est un acteur, mais ça n'est pas qu'un acteur. Ryan Gosling. Non. Mais c'est vrai que ça aurait pu, parce qu'il est blond aussi. Ouais, j'essaye de chercher. Mais il n'y a pas un délire, en fait, il lui ressemble pas du tout, genre pas de couleur de perso, feu et tout. Perso, je trouve pas du tout. Je suis pas physionomiste de ouf, mais. Morgan Freeman. Non. Genre un délire, genre Alec Baldwin, un truc comme ça. Oh. Non. C'est pas Alec Baldwin. Alors, je vais vous donner un indice, c'est que. On l'a déjà évoqué aujourd'hui. Quoi? Elvis Presley. C'était ça ou Wesley l'enfoiré, effectivement. C'était Elvis Presley. Voilà, il y a eu apparemment une photo qui a été mise sur son Twitter. Avec une similitude qu'il renforce en disant on m'a souvent comparé à Elvis Presley. Qu'en pensez-vous? Voilà. Mais c'est juste, je pense, les cheveux, tu sais, genre la vague un peu sur les cheveux qui fait genre. Ou peut-être les pommettes un peu gonflées, tu sais. Ok, ouais, je sais. Personnellement, je l'ai pas trop, mais enfin bon. Je trouve pas. Ouais, plus que et ça, vous, est-ce qu'on vous a déjà comparé à des gens connus? Mehdi, t'as déjà eu des petites comparaisons? Non. Jamais? Ah ouais? Bah, attends, pourtant, Mehdi. Dommage, jamais dit. Réfléchis. Réfléchis un peu. Pendant ce temps-là, Max va nous révéler qu'il a été comparé à François Civil. Pff, mais tout le temps. Mais moi, avec qui je n'ai pas été comparé? Et là, les DM, ça commence à passer en support. Non, mais c'était Tyler Lautner aussi quand j'étais plus jeune. Ah bon? Tyler Lautner. C'est le loup-garou dans Twilight. Ok. C'est pas le bas du panier qui rentre au parc quand même. Ouais. Non, ça va. Non, ça va, tu vois. Mais il y avait une période où on me confondait souvent avec des gens, tu sais. Genre, un coup, j'étais à ma salle de sport et quelqu'un qui est venu en mode. Ah, c'est toi qui as livré des pizzas chez moi hier. Donc, rien à voir avec un acteur, mais alors que c'est quelqu'un bien comme ça me dire ça. Je dis non, je ne suis pas livreur de pizza, je fais mes squats, laisse-moi tranquille. Et encore moins hier, quoi. Et encore moins hier. C'est vraiment étrange, sans certitude du tout, y aller et se dire, allez, tiens, c'est lui. C'est mon livreur. Il est à l'autre bout de la salle, tu sais, il arrive en tendant la main. En fait, c'est toi. Rends-moi mon tips de 5 balles, s'il te plaît. T'as oublié la sauce piquante, enfoiré. Et toi, Jocelyn, t'as déjà comparé à des... Ah ouais, mais moi, formidable. Moi, je suis le Bogdanov français. Le Bogdanov français. Toute mon enfance, c'était tuer Bogdanov. Donc, j'étais beaucoup moins avantagé que le loup-garou. Plus Grishka, je trouve. Excuse-moi, mais... je devais choisir... Je vais être honnête avec toi, mais même dans cette pièce, tu n'es pas la personne qui ressemble plus à Bogdanov. C'est pas sympa pour c'est les Max. Autres. Mais... Ah ouais. Ah, tu ressembles plus à Bogdanov que Jocelyn ressemble pas, à Bogdanov. Je trouve pas, mais en vrai, après, les visages changent, la barbe, cache. Mais moi, je pense plutôt Dupont-Moretti. Peut-être fournirait également. On m'a demandé un autographe l'autre jour. S'il n'en restait pas Franchement, t'as rien eu d'autre en termes de comparaison? Non. Un présentateur d'extrême droite, là, je sais plus le nom. Ah oui, celui comment? Sur CNews, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment il s'appelle? Bruce Toussaint. Non, Bruce pas trop. Toussaint. C'est Bruce Toussaint. Toussaint, oui, c'est ça. Fait. Ouais, ok, c'est juste pas avec le gabarit, quoi. Ouais, je pense, ouais. Ok. Et toi? Alors moi, donc, on va rester sur l'extrême droite, puisque moi, on m'a déjà comparé à Éric Zemmour. On dit que je ressemble à Éric Zemmour, voilà. Pas sympathique. Mais en même temps... Ouais, parce que tu vois, quand tu fais le palmarès des gens à qui on t'a comparé, tu sais à peu près où tu te places physiquement dans l'échelle. Parce que moi, j'ai eu Éric Zemmour, j'ai eu Laurent Deutsch. Donc, c'est pas non plus... Laurent Deutsch, ouf. J'ai eu par contre du Édouard Baird des fois quand je souris. Peut-être en parlant d'Édouard Baird. Vu qu'il parle beaucoup et que tu parles énormément. J'ai une émission radio à venir, je te signale, c'est normal. Ça fait partie de mon métier. Voilà. Et Mehdi, t'as retrouvé quelque chose ou rien? Non. Non, t'as rien à. Bon, est-ce que vous trouvez une ressemblance entre Mehdi et quelqu'un, vous, par exemple? Je pense qu'il il gagne à être pour connu, donc il va se ressembler. Pour moi, il y a du Barack Obama en Mehdi. Il y a un peu du. Ouais. Ouais. Je dis ça pour ta popularité. Moi, je pense que plus tard, on dira, ouais, je ressemble à Mehdi. Voilà, c'est ça. Et ça sera peut-être un step quand même. Ouais, c'est ça. C'est, ouais. T'as les airs de Mehdi? Mais non. Mais non. Je l'ai fait toute craquer. Voilà pour ce qui était de Donald Trump, en tout cas, qui se trouve ressembler à Elvis Presley. Maintenant, deuxième question. Quel geste d'entretien est nécessaire d'être... Ouh, c'est très français, ça, c'est moi qui l'ai écrit. Quel geste d'entretien est nécessaire à faire régulièrement sur les Cybertrunks de Tesla? Vous savez ce que sont Trunk les Cybertrunks? Cybertrunks, pardon. Trunks, c'est dans le boule. Donc j'explique, Mehdi, peut-être tu ne connais pas, ce sont les... Tu vois ce que c'est les Cybertrucks les... Ouais. Vas-y, explique aux auditeurs. Les camions... Bah c'est pas vraiment des camions, c'est des espèces de grosses voitures. Ouais, des gros 4x4, des gros pick-up, des SUV. Semi-4x4, semi-machines de guerre, voilà, de Tesla qui sont sortis récemment. Et donc il y a quelque chose qui est préconisé par Tesla, qui est même nécessaire à faire dans leur voiture. Briser les vitres? Non. Dommage. Taper la portière. Gros coup de pied dans la portière. Gros coup de pied. Alors non, mais ça, disons que ça considère, ça, c'est compliqué à trouver, ça concerne la carrosserie quand même. Ça demande violence ou pas? Ça demande pas violence du tout. Donc non, ça concerne la carrosserie. Il faut la repeindre régulièrement? Non, alors on n'est pas loin du tout. Je vais peut-être vous le dire parce que voilà, on n'est pas loin. Régulièrement parce qu'il faut savoir déjà qu'il n'y a pas de peinture sur les carrosseries des cyber. Les gros 4x4 là, ouais, je vois. Ouais, c'est ça, le truc est vraiment magnifique. Il n'y a pas de carrosserie en fait. C'est un exosquelette en acier inoxydable. Voilà. Je suis allé directement sur leur site pour me renseigner et j'en ai acheté un. Desla.org. Il y a un petit code promo là qui peut. Voilà, c'est ça. Non, alors en fait, ils préconisent d'enlever les insectes morts et les crottes d'oiseaux de la carrosserie le plus tôt possible, donc avant d'attendre l'entretien annuel, sinon il y a un risque de corrosion sur l'habitacle de, cet engin. Attends, mais entretien annuel, tu sais, toi tu vas laver ta 606 ouais. Une fois par an, tu sais, elle prend le Karcher une fois par an et elle va bien après. Elle va bien après. Là ça, c'est le truc que tu payes 40 fois le prix d'une alors figure-toi que j'ai regardé, c'est pas si cher, on dirait que c'est une promo que je suis en train de faire, mais c'est pas si cher que ça, c'est 55 000 euros que c'est vendu. Ouais, c'est pas si cher pour toi alors. Bah disons que moi je m'attendais à ce que en voyant la tête du truc, je me suis dit ouais, c'est un truc qui vaut au moins 200 000 euros, etc. Mais en fait ça va. Du coup, j'en ai acheté deux. Il y a une graduation, tu sais, avec les Tesla. Tu sais, je sais qu'il y a les premières Tesla, je crois, c'est les Tesla 3, qui coûtent pas si cher que ça maintenant. Je pense que tu peux t'en tirer pourtant 30 000, tu sais, en d'occasion. Et j'ai des potes qui en ont une et ils disent, tu sais, entre Tesla personne, tu vois, genre on se dit bonjour, c'est un peu comme les motards. Ouais, ah, mais il y a une communauté qui se crée ouais, autour. Et les blanches, c'est celles les moins chères et ils disent pas bonjour à ces personnes-là. Oh, tu sais. D'accord. Il y a une hiérarchie de conducteurs Tesla. C'est ce qu'ils me disaient, on les repère en fait. J'étais là, ouais. Ah, le pauvre. Ah, ouais, c'est ça, la c'est blanche. Ça. Moi, je sais qu'on est pareil avec les Dacia. Nous, entre Dacia, on s'appelle les Daciaïstes. Plus elle est cabossée, plus t'es réputé. Oh, le background qu'il a, lui. Il y a des stickers dessus. Il a Corsica Ferry derrière, je te jure, il est président. Alors, j'ai regardé un petit peu quels étaient les effets qu'ils utilisaient pour la pub. Ils disent qu'il y a 5 tonnes de remorquage possible avec cette voiture, 550 km d'autonomie et de 0 à 100 en 2 secondes 7. C'est une dépanneuse, c'est pas une bagnole. Ah ouais, ouais, exactement. Exactement. Et on n'est pas loin de 0 à 100 en 2 secondes 3. Voilà, qui c'est pas une dépanneuse. SCH aurait été heureux. Voilà, ouais. C'est ça. Voix de gauche, appel de phare. On enchaîne avec une troisième question. Qu'a-t-on donné comme... On change complètement de sujet, hein, je vous préviens tout de suite. Ouais. Qu'a-t-on donné comme traitement à cette âne britannique qui souffrait d'une occlusion intestinale? Une ânesse. Ânesse? Non, ouais, c'est son prénom, âne. Un âne. Un âne, à cette âne. Ah oui, à cette âne, ok, oui. Ce âne, si vous voulez. Ce âne, ouais, ce âne, je préfère ce âne. Donc, on a donné un traitement bien particulier. Du Coca-Cola. Oh, j'allais dire c'est pareil. C'est exactement ça. Oh, bah, voilà, c'est banger. Et c'est hyper décevant que tu aies le premier coup. Ça m'a pas étonné, en fait. Effectivement, non. Est-ce que vous arriveriez à découvrir la quantité de coca qu'on lui a donné? Attends, elle a une occlusion intestinale? Ouais. D'un âne. Attends, occlusion intestinale, c'est une perforation de l'intestin. Alors, pendant combien de temps? Bah, je sais pas, j'imagine qu'on lui a donné d'un coup, pour moi, parce que ce qui est important, enfin, ce qui est. C'est pas mal le pendant combien de temps, ça. C'est intéressant. J'ai pas l'info, mais par contre, j'ai l'info sur la quantité qu'on lui a donné. Tu sais, c'est la blague de Gad Elmaleh avec la remplissage de la baignoire. Alors, je remplis du coca dans un âne. En combien de temps l'occlusion intestinale va t'assurer? Sachant qu'il y a un trou. Il y a un trou dans la baignoire. Ah oui, donc toi, t'as peur qu'on mette le coca dans l'intestin et qu'en fait, comme ça fuit, il y en a un peu partout. C'est de l'acide. Non, ça marche pas comme ça, le corps. C'est de l'acide phosphorique, tu vois, genre ça ronge, quoi. Je ne sais pas. Là, on est en dehors de mes compétences. Vas-y, moi, je dirais une. Allez, 100 litres quand même. 100 litres dans un âne? Ouais. Tu mets le plein. Mais tu sais que le corps humain, je sais plus il y a combien. Dans le trou. Il y a combien de litres dans un corps humain? Ça, 70, je crois, non? Ouais, c'est ça. En fait, tu peux facilement le calculer, puisque 1 litre d'eau égale 1 kg d'eau. Non, c'est vrai, si on fait 70 kilos, voilà. Ça fait 70 litres. Ouais, donc du coup, 100 litres, ça fait beaucoup quand même. Bah, alors là, on lui a donné seulement, entre guillemets, 24 litres de coca. Et apparemment, ça a marché. Et alors, ce qui est un peu triste sur cette âne... C'est du limon. Sur du chéri. Ce qui est un peu triste avec cette âne, c'est qu'il a eu cette occlusion intestinale parce qu'il a, il a refusé de se nourrir suite au décès de sa mère. Il était tellement triste, putain, c'est triste qu'il refusait de se nourrir. Et on lui a foutu un entonnoir pour mettre du coca. C'est quand même pas un... Je trouve que l'anecdote aurait été plus drôle s'il avait eu l'occlusion intestinale à cause d'un mentos. Ouais. Parce que là, ça aurait été marrant. Ça, c'est vrai, c'est fou, j'essaie ça. De rendre le truc un peu drôle parce que c'est triste. Hein. Moi, j'aurais préféré que ça soit une ânesse. Comme ça, on tire son lait et savoir si ça a le goût de coca. Wouah, dingue. Ouais, parce que là, à part. On n'a pas envie de savoir. Quoi, c'est, que, vois, c'est comme ça qu'on fait du cacolac. Ok. C'est waouh. Cette émission. On met le plein à une ânesse. Je perds le contrôle de cette émission. Il est temps de faire une petite pause de nos bêtises avec une chanteuse très sérieuse qui m'est chère et que je salue. Qui s'appelle Dua Lipa, avec un titre qui s'appelle Houdini. Et on revient juste après avec la suite de notre quiz. Dini, Dua Lipa. La matinale de 18h. L'émission qui vous réveille sur Fadjet. Belle transition. Ah oui, j'ai toujours des problèmes de... cette flûte. Je ne maîtrise pas encore. Allez, Rocky. Alors, on continue avec notre petit quiz pendant que Mehdi nous joue de la flûte derrière. on en était nulle part puisqu'on va passer maintenant à une autre question. Qu'a dû prouver à l'administration française cet habitant du Calvados de 75 ans ? Qu'est-ce qu'il a dû leur prouver à l'administration française ? Un truc un peu insolite. Qu'il était à jeun. Non. Très, très, c'est pas très, ça. Très, très long, hein, comme on m'a prouvé. Qu'il était vivant. Eh ben oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'administration française le considérait comme mort. Et pourquoi ? En fait, il y a eu une espèce d'erreur de il y a sa caisse d'assurance qui lui a envoyé un courrier. Vous êtes mort. Pour lui demander de fournir son acte de son acte de décès. C'est quoi ? L'adresse était. Mais dans le Calvados, ils ont des problèmes de recensement. Ils ont énormément de problèmes, dont de recensement. Et donc, non seulement il a reçu un courrier qui lui demande son acte de décès, mais en plus après, il a dû prouver à toutes les administrations françaises, puisqu'elles se sont communiquées l'info, qu'il était vivant. Donc, il a dû faire tout un espèce de chemin de croix pour envoyer son acte de naissance, son et dire aux gens qu'il était bien vivant. Mais c'est le bon plan en fait de te faire passer pour mort parce que plus d'impôts, plus rien en fait. Mais ouais, tu peux conduire, t'as plus de permis. C'est-à-dire que t'as aussi des bénéfices hein, dans une société quand même que tu n'auras plus si tu es mort. Par exemple, retraite. Bah oui, soit 75 ans. Ton nom dans l'annuaire. Ah, ça, tu peux tirer une croix dessus. Ah, non. Ouais. Eh ouais. Comment ils font les gens pour te trouver. Et puis, tu crois que Facebook, ils vont te laisser ton compte comme ça si t'es mort ? Bah non, ils te l'enlèvent. Non, je crois qu'il faut qu'un proche le mette en mode. Ah d'accord, je savais pas du tout comment ça marchait là. Je vous avoue que là, je suis un peu. Bah, ça, c'est un peu morbide. Oui, c'est un peu. Ouais, on donne les infos. Voilà, c'est ça. Et du coup, il a confié à nos confrères de l'ASP et à moi, je l'ai appelé ce matin. Il l'a confié qu'il l'a bien pris au début, mais ça met quand même un petit coup au moral. Il va bien quand même. Il va bien, il le prenait à la légère, mais c'est vrai que bon, ça doit pas être spécialement. Par contre, c'est trop chiant à corriger les erreurs de l'administration, tu vois, c'est à toi de corriger toutes les erreurs. Oui, c'est relou. Ça, c'est souvent la procédure dans une administration, c'est que s'ils se trompent, c'est à toi de corriger. Ouais. Si toi, tu te trompes. C'est à toi de corriger. Mais c'est le résultat de payer. C'est le résultat d'une phobie administrative, ça. Quand tu leur parles plus, ils disent bah en fait il est mort. C'est un peu comme un Sims en fait. Tu t'en occupes pas. La population française décroît. Hein, ouais, c'est ça. Personne parle à l'administration. C'est ça. Allez, on repart aux États-Unis. Vous voyez que moi j'aime bien mettre ma petite casquette américaine, ma casquette avec un aigle dessus. Qu'est-il arrivé au rappeur Prison Mike lors de la cérémonie des Grammys ? Prison Mike. Genre, je sais pas, il a eu une diarrhée. Ah ouais, est-ce que ça parle de caca ? Non. Ça, il y a un peu deux volets à son épopée durant ses Grammys. Il s'est fait agresser. Pas vraiment. Ah, ça serait chaud quand même de se faire agresser. Il savait plus chanter. Non, je crois pas qu'il ait dû chanter. Il s'est retrouvé soit enfermé dans l'ascenseur ou dans les toilettes, un délire comme ça. Non. C'est marrant, ça. Mais il y a un mot qui peut être intéressant. Toilette. Non. Ascenseur. Non. Retrouvé. Non. Coincé. Non, mais vous dites tout, vous faites exprès ou quoi ? Il s'est retrouvé coincé dans non, t'as pas dit coincé, t'as pas dit coincé. Il a dit un truc comme ça. Bloqué. Non, il t'a dit enfermé. Enfermé. Il a dit enfermé. Ah, prison Mike, il s'est retrouvé en prison. Alors, c'est pas loin d'être ça. Et en fait, il a été menotté à la sortie, dès sa sortie des Grammys. Il a été menotté et emmené par la police à cause d'une altercation physique qu'il aurait eu juste avant la cérémonie. Et il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi gagné 3 Grammys lors de cette cérémonie. Donc en fait, il va sur la scène, en étant menotté, hop, il y va. Non, justement, c'est après. Les gens l'attendaient à la sortie et crac, on lui met les menottes et ça dégage. Ouais. Et en fait, il a eu 3 Grammys, une pour la meilleure chanson de rap, un pour le meilleur album de rap et un autre pour la meilleure performance de rap. Et tu le mets après, là, on écoute un peu après ou pas, Mike Prison ? Bah écoute, oui et non à la fois. C'est-à-dire que oui, on peut l'écouter chez soi en tapant son nom, mais non, on va pas l'écouter dans l'émission parce que je suis débordé et autre chose. Je suis sûr qu'en plus, ils l'ont pas, Mike Prison. La phobie administrative. Tu connaissais, toi, Mehdi, Mike Prison ? Non. C'est vrai, 3 Grammys, tu connais pas. Ouais, 3 Grammys, attends. Toi, t'es un... Je sais pas ce que c'est des Grammys. Écoute, c'est comme les Golden Grammys. Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme les Oscars. Non, mais les Grammys, c'est genre des récompenses qu'on donne, tu sais. Et donc là, ces Grammys, c'est vraiment spécialisé dans la musique. C'est comme Ballon d'Or. Ils ont toute une section pour le rap. Et donc, du coup, il a eu la meilleure. C'est l'équivalent des victoires de la musique. J'ai juste vu que Miley Cyrus en avait eu un. Ouais, c'est ce qui fait d'elle la plus grammier, je crois, un truc comme ça, non ? Grammier, je sais pas. C'est la plus grammier ? Ouais, je crois. Tu la tenterais au Scrabble, ce grammier ? Grammier, je sais pas combien de points ça me rapporterait, mais je la tenterais, ouais. Tu la tenterais, ok. D'accord, okay. Et on va maintenant reprendre l'avion. Décidément, l'empreinte carbone de cette émission est immense. Et de quoi a été accusé un pigeon par l'Inde ? Ah, que c'était un espion chinois. Exactement. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ça remonte un peu. Dis voir l'anecdote si tu l'as. En gros, ils ont enfermé le pigeon pendant plusieurs mois. Oui, c'est ça, 8 mois. 8 mois. 8 mois. Tu sais, genre, imagine déjà, on sait que tu bosses pour l'ennemi. Lui, il est. Moi, il y a des rayons X, il y a tout. Enfin, genre, ils peuvent en 8 mois. Et ils pensaient que c'était un espion. Un espion, ouais. Ouais, ils pensaient que c'était un espion chinois. En fait, c'est parce qu'ils avaient, ils avaient intercepté le pigeon avec un message illisible et qu'ils ont placé en détention dans une clinique à Bombay. Détention. Et ils l'ont relâché seulement 8 mois après, d'après Times of India. Et apparemment, c'est même pas un truc rare en Inde d'enfermer les pigeons pour d'accuser les pigeons d'espionnage. Voilà, donc on est très très parano sur les pigeons. Ouais. C'est voilà. Drôle ça. Et il faut savoir qu'ils aillent à Paris, hein, parce que là, ils vont péter. Là, tout le monde te regarde. Hein. Le syndrome de Paris, mais d'une autre façon. C'est vrai qu'après, j'aimerais bien voir les interrogatoires. Tu sais, est-ce qu'ils venaient fréquemment les interroger? Ouais, alors, t'as changé d'avis maintenant? C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a un Allez, mec qui, ouais. une petite dernière pour la route, si vous voulez. Ouais. Allez, bon, bien. Tant qu'on est un peu Envoie international, ça, on n'a pas été en Amérique du Sud. Ah. Avec quoi a été arrêtée une Colombienne par la douane brésilienne dans un aéroport? Elle avait ça dans sa valise. Bah, du coup, j'imagine que c'est original, c'est pas de la coke, c'est pas. Je crois que c'est un animal. Non, c'est vrai que ça aurait pu être sympa, si j'avais dit oui, c'est un animal, mais ça aurait pu être sympa si c'était complètement pas original. Un singe. Non, ce n'est pas un singe. Une grenouille. Waouh, wow, il l'a, c'est ça. Hein. Comment tu savais? Tu connais? Non. C'est effectivement une grenouille. Une grenouille. T'es un faux news ou quoi? Mais dis, tu fais du trafic de grenouilles. Il y a un business. Là, alors, ça. C'était une collègue à toi, la Colombienne. Alors, c'est c'était pas Madame Alonso. Gros big up à Madame Alonso. C'est un peu galère la sortie. Alors, c'est territoire. Pas n'importe quelle grenouille. C'est une grenouille venimeuse, une grenouille extrêmement rare. Et en fait, c'est même une espèce protégée. Elle en avait plusieurs. C'est des espèces qui peuvent se vendre. Près de 1000 euros par tête de grenouilles. Vous savez, c'est les toutes petites grenouilles qui ont la particularité d'avoir une toxine qui est la toxine la plus virulente au monde et qui est utilisée dans plein de choses et qui est adorée par les collectionneurs et par Mehdi, visiblement, qui a lui-même... T'as un élevage de grenouilles chez toi ou pas? Je crois pas, je pense pas. T'es jamais trop sûr, hein, j'ai l'impression que tu prêtes un peu plus. Mehdi, c'est pas trop. C'est jamais lui ou non. Pose pas de questions, je t'ai dit, James. Mehdi, en fait, Mehdi, il répond comme un pigeon en Inde. Ouais. Tu vois, c'est genre, oh, je suis pas sûr, je sais pas trop. Tiens, j'ai rien à déclarer. Ouais, viens pas chez moi. Mais par contre, tout ce qu'il peut dire, c'est que c'est pas 1000 balles. Hein. ça dépend la race. Bon. Ouais, non, mais alors, celles-ci sont visiblement, c'est des toutes petites grenouilles bleues et elle en avait. Ah, c'est bleu. Ça doit être trop beau, c'est trop beau les grenouilles. Et c'est quoi, c'est genre le venin, il te tue ou ça te paralyse, ça fait quoi? Je crois que ça tue. C'est pour un pote la question. C'est hallucinogène ou pas? C'est pour un pote. Non, non, ça il y a des gens qui lèchent les grenouilles, ça j'avais entendu. C'est exactement. Ah d'accord. Bah les Français mangent des grenouilles. Après, oui mais non mais ils le lèchent parce que c'est un truc hallucinogène. Moi j'avais entendu ça. Ah d'accord. C'est vraiment spécial ça quand même. Bah lécher une grenouille ou être sous hallucination à cause d'avoir léché une grenouille. Bah les deux, j'ai envie de dire. Voilà. Vous mangez vous-même des grenouilles, des cuisses de grenouilles? Jamais goûté. Moi, par contre, les escargots. Les escargots, c'est très bon. Moi, j'ai goûté une seule fois les cuisses de grenouilles. J'avoue, je suis pas. Ah ouais? Bah, en gros, ça a le goût de persillade, quoi. Ouais. C'est de la viande blanche. En fait, c'est le beurre persillé. Je pense que même des escargots, si tu manges. Enfin, s'il n'y avait pas de beurre persillé, tu ne mangerais pas, en fait. Ouais, mais en fait. C'est aussi que on est réputé en France pour les cuisses de grenouilles. Si tu vas à l'international, tout le monde t'en parle. Mais en fait, c'est clair que, perso, moi, j'en ai vu une fois dans ma vie, mais c'est tout, quoi. Moi, j'avais fait un truc, un restaurant qui vendait, c'était leur spécialité, ils faisaient cuisses de grenouille à volonté et c'était genre très morbide en soi, tu vois, parce que t'as des plats énormes avec des cuisses de partout. Et en soi, c'est très bon, mais quand tu relativises et que tu dis, disons que par rapport à une viande classique, c'est que là tu vois directement que c'est une mare. Et je rebondis avec le truc en Inde, mais nous on est très bon apparemment pour cuisiner le pigeon, et ça c'est et il y a dans les Vosges, là, big up aux Vosges d'ailleurs à côté, il y a un très bon restaurant qui cuisine le pigeon. Ils nous écoutent d'ailleurs, on peut leur donner le nom du restaurant. C'est un petit code promo d'ailleurs, pigeon 10 ou un truc comme ça, 10 euros sur la note là. Non mais sans deck, apparemment le pigeon d'élevage, quand c'est bien préparé, c'est très très, très bon, très très bon. Volaille, ouais. D'accord, et bah écoutez, sur ces conseils culinaires, c'est pas celui qui bouffe les mégots, mais ça reste très bon. Okay. Voilà, sur ces conseils culinaires, on va maintenant écouter Clara Luciani, puisqu'elle nous a fait un titre qui s'appelle Respire encore, il y a quelques années de ça. Exclusivement pour Fadjet, je crois. Voilà, et on s'en est parmi, il est tellement bien qu'on va le réécouter à nouveau, Clara Luciani, et on revient après avec la suite de cette émission. Elle respire l'odeur des corps qui dansent autour d'elle dans les respire encore, les. Clara. Oh, elle m'a fait une petite feinte. Clara Luciani, respire encore. La matinale de 18h, l'émission décalée de Fadjet. Et c'est déjà la presque la fin de cette émission. Non, ça déjà arrive presque si vite. Presque tout fait. C'est trop vite. C'est passé trop vite et, ouais. Et du coup juste faire un petit point promotion demain. Mm-hmm. Demain vous pouvez si vous le voulez le 9 février aller à la MJC Lillebonne voir un spectacle dans lequel je serai avec Jeanne notamment qui s'appelle What If Love. C'est un spectacle du Split Impro. Voilà, c'est un concept un petit peu étonnant de d'improvisation théâtrale avec des choses d'amour comme c'est bientôt la Saint-Valentin. C'est vrai. Voilà, n'hésitez pas, c'est à la MJC Lillebonne, c'est à Lillebonne, c'est à 20h30, c'est 5€ l'entrée. Et Max sera là d'ailleurs. Ouais. Voilà. Je serai photographe. Je paye les 5€ d'entrée d'ailleurs. Non. il y aura aussi Alban que vous avez déjà entendu à cette antenne. Voilà. Est-ce que vous avez vous-même des petites promotions à faire de votre côté sur des actus? Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. C'est venez au Cristal pour la Saint-Valentin. Ça risque d'être très très sympa. Ouais. Si les gens viennent avec en disant je suis auditeur Fadjet de la matinale de 18h. Ouais. Est-ce que tu leur fais un petit service particulier? Je leur fais un petit truc en plus. C'est croix de bois, croix de fer. D'accord, je le ferai. Il y aura un truc en plus. Ça, c'est dit, et croyez-moi, Jocelyn, ça n'est pas quelqu'un qui. Voilà, c'est un homme de parole, c'est un homme d'honneur. Et vous aurez donc amené, si vous avez un petit date, un petit rendez-vous galant. Même votre maman, s'il faut, mais amenez quelqu'un et dites, on vient de Fadjet quand même, la team. Je vous recevrai avec plaisir. Et là, il saura vous recevoir. Je vous ralasse, comme disent les autres. Voilà. Je vous ralasse, mais tout à fait. C'est exactement l'univers du cristal. Mehdi, est-ce que tu as des dédicaces toi-même à faire Faire une petite dédicace au 3ème 2 de Paul Verlaine. Ouais. Pense à ceux qui bossent. À l'heure actuelle. Et voilà. Et bah voilà. Bon. Et toi, Max, des dédicaces Petite dédicace bah, à tous les potos, les gens de l'impro. Là, on joue le 17 février. La semaine prochaine, effectivement, à la MJC Pichon. MJC Pichon pour un concept unique proposé par Pierre Lagrange. On va jouer Citizen Caucus. Voilà. Tu l'avais déjà joué d'ailleurs. Oui, j'avais déjà joué Citizen Caucus sur un bateau, il me semble. Ouais. C'était très très bien. C'est ça. De quoi? Non, c'est de l'improvisation. C'est de l'improvisation. Voilà, c'est encore ça, c'est du théâtre. Théâtre. Eh ben, écoutez, merci à tous. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. T'as pas l'actu, toi, James, avant que ça ferme là? Bah, je l'ai dit tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas écouté. Voilà. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines, après la voisinade de la semaine prochaine. Et on sera là, on sera présent avec une équipe qui sera à nouveau différente. Et peut-être que Mehdi aura rédigé son rapport de stage d'ici là. On se voit post-Saint-Valentin. Bon courage. Salut à tous. Bisous. Bonne journée. Merci.